L'actualité à Nancy et ailleurs. Stéphane Ulrich, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur général de la fête du court-métrage qui va se dérouler du 24 au 30 mars. Le meilleur du cinéma court à Metz et même chez vous, c'est ce que l'affiche de cette année nous promet. Alors, oui. Qu'est-ce que vous ressentez à quelques jours et voire heures du début de cette édition 2021 Je suis content de pouvoir quand même proposer une sélection de 150 films en ligne et gratuitement pour tout un chacun qui aura l'information pour se connecter. Bon là, c'était une édition que nous souhaitions en présentiel avec beaucoup de convivialité et des rencontres entre le public et les réalisateurs. Bon voilà, nous avons adapté cette édition en ligne cette année. La fête du court-métrage, c'est un événement national ? Oui, c'est un événement national. Nous sommes une ville ambassadrice à Metz et d'une certaine manière en région Grand Est, puisque nous représentons ce dispositif pour tout le monde. Ce rôle de ville ambassadrice du court-métrage, c'est relativement récent. Puis le collectif Cyclone, hein, qui est derrière l'organisation aussi de ce rendez-vous à Metz, y est pour quelque chose ? Nous organisons depuis 2016 cet événement et nous avons eu la chance d'être invités par l'organisation nationale à devenir ville ambassadrice. Ça nous permet d'avoir un soutien au niveau national, tant au niveau communication qu'un soutien moral et d'accompagnement pour mieux faire connaître ce dispositif et mieux le diffuser au sein des écoles, des médiathèques, des maisons de la culture, d'espaces où on peut diffuser des films courts, notamment forcément les cinémas et les lieux culturels. Et nous avons un soutien au niveau national et nous relayons au niveau local cet événement qui me tient à cœur. Un événement qui vous tient à cœur et quelle forme il va prendre alors cette année ? Alors cette année, nous avons pu maintenir ce qui était possible pour les moins de 18 ans, à savoir ce qui se passera dans les écoles, dans les lycées, les collèges et dans certains lieux d'éducation populaire, en lien avec Unicité, qui réalise aussi des débats et des échanges dans le thème de cinéma et citoyenneté, donc utiliser le film comme débat avec la jeunesse. Tout ce qui était prévu en présentiel a été annulé ou reporté d'une certaine manière, et nous proposons 150 films en ligne gratuitement, sur la plateforme lafetteducourt.com et nous proposons à Metz une émission spécifique qui s'appelle la fête du court-métrage Metz part en live et nous allons mettre en valeur des réalisateurs locaux, régionaux de films de qualité, faire des interviews, des rencontres avec des réalisateurs locaux. Pour certains, c'est des films de type étudiant qui ont déjà été sélectionnés, qui ont déjà des belles qualités, qui sont des réalisateurs prometteurs pour l'avenir, jusqu'à des réalisateurs professionnels comme Stéphane Bellini qui est de Metz et qui a un aura international puisqu'il gagne des prix dans des festivals dits underground à travers le monde. Et c'est un réalisateur messin qui a un aura incroyable. Donc nous serons heureux de diffuser un de ses films et de le rencontrer par l'intermédiaire du Visio. C'est une émission qui est réalisée par des jeunes qui ont fait un stage avec nous pour apprendre à faire des films et réaliser une émission en direct. Et ce sera le 27 mars, hein, cette émission, c'est ça ? Le 27 mars, avec plein de surprises et des rencontres avec des réalisateurs. Ce sera en direct et en replay. Ensuite, les gens pourront consulter encore cette émission pendant un mois. D'un point de vue personnel, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'exercice du court-métrage ? Du point de vue personnel, ce que nous défendons, c'est que la fête du court-métrage et les films courts qui y sont présentés, chaque film court a une identité propre, un message propre. L'avantage d'un court-métrage, c'est qu'on prend une idée et on y va à fond dans cette idée. On ressort des surprises, alors soit c'est pour parler d'un thème fort qui est propre à ce que le réalisateur veut exprimer, soit pour exprimer une émotion particulière, soit pour exprimer la joie, le rire. Chaque film a un impact qui permet, selon nous, et c'est ce qu'on a pu vérifier avec les années lorsque nous organisons des événements où il y avait plein de courts-métrages, ça crée du lien puisque après chaque projection, les gens viennent parler, rencontrent les réalisateurs ou vont échanger sur les films qu'ils viennent de voir, qu'ils aient aimé ou qu'ils n'aient pas aimé. D'une certaine manière, la richesse de ce qui est présenté permet de créer le dialogue. Et à partir du moment où les publics qui étaient dans la salle, qui ne se connaissaient pas, viennent échanger sur les films qu'ils viennent de voir autour d'un verre ou d'un repas ou d'un moment convivial, Nous, en tant qu'organisateurs, on a gagné puisque d'un point de vue citoyen, ça crée du lien, ça crée du débat. Cette édition, elle est importante pour vous aussi, cette année, plus particulièrement ? Chaque année, c'est important pour nous. Cette année, c'est compliqué. C'est déjà la deuxième fois que nous devons reporter l'événement en présentiel. Donc, l'année dernière, nous étions prêts à accueillir tout le monde. Deux semaines avant l'événement, nous avons dû annuler. L'avantage d'être fédérés au niveau national, c'était de pouvoir proposer pour la première fois un événement en ligne cinématographique, et ce qui a permis à des gens de voir des films. Cette année, nous y étions prêts, nous avions l'espoir de pouvoir quand même accueillir des gens dans les cinémas, d'accueillir aussi les réalisateurs dans les cinémas. Donc nous avions préparé l'événement en présentiel, mais nous étions pas dupes au niveau local et national. Des choses étaient déjà prévues en ligne. Donc c'est un grand écart qu'on a fait cette année, mais on est quand même content de proposer aux gens, en tout cas, la possibilité de regarder des films gratuits en ligne. Ça nous tient à cœur. Oui. Et il est important pour nous de le communiquer, puisque nous ne sommes pas des pros de la télévision ou du streaming dans le sens où on a de regarder, de passer notre temps devant la télévision. Par contre, bon, on est quand même heureux de proposer ces films de qualité gratuitement aux gens. Ça change un peu de la télé habituelle. C'est des œuvres d'art à part entière et chacun pourra y trouver son bonheur de 3 à, à 77 ans, voire plus. Tous les passionnés de cinéma ou des jeunes qui pourraient découvrir des passions pour le cinéma vont pouvoir découvrir des films de qualité. 150 films donc. Plus de 150 films à découvrir. Et ce temps fort le 27 mars avec cette émission en live. Exactement, cette émission en live, le temps fort. Et puis les petites surprises qui arrivent, c'est que logiquement nous devions accueillir dans les cinémas des talents qui faisaient le tour de France pour présenter leurs films qui venaient de tourner en 2019-2020 et venaient rencontrer le public, faire le tour de France et rencontrer le public sur les différents sets du court-métrage de France. Et nous ne pouvons pas les inviter en présentiel. Par contre, nous pourrons le 27 mars l'inviter Claude Lepape qui a réalisé un film avec Jacky Berroyer. Donc pour les gens qui le connaissent, quoi, c'est un plaisir de le voir jouer et de le voir dans un film. Ça, c'est une anecdote. Et nous allons inviter 200 personnes à regarder des séances de films normalement payantes. Nous avons la possibilité d'inviter 200 personnes à regarder des films beaucoup plus récents qui sont normalement qui auraient dû être des séances les rares séances payantes puisque c'était des films récents qui mettent en valeur des productions récentes. Nous allons inviter 200 personnes s'ils viennent se connecter sur notre site internet ou le mieux c'est sur notre page Facebook. Nous allons donner des informations pour pouvoir faire gagner des codes et accéder à ces productions spécifiques en ligne. Par contre, donc, tout le reste est totalement gratuit. Hein. C'est juste ce petit bonus, ce petit cadeau qu'on sera heureux d'offrir. Donc la page Facebook, hein, c'est Fête du court-métrage Metz et le site internet, je vous laisse redonner l'adresse. Le site internet, c'est www.fêteducourtmetz.fr. Fêteducourtmetz.fr. Et il y aura toutes les infos pour pouvoir se reconnecter sur le site national, à savoir lafêteducourt.com, pour pouvoir s'inscrire gratuitement et avoir tous les films en ligne gratuits pour toute la famille. Voilà, merci beaucoup Stéphane Ulrich. Merci à vous, merci Fadjet. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.